adulte. Je sais que j'en aime pas. 12 à 12. Thank you. En argent que tu vas réussir à me faire ouvrir la bouche. Cuillère en argent, tu vas faire de serrer les dents. Dernière quand même. Ses enfants. Un truc qui s'appelle Hope. quand même. It's okay for. évidemment. Je sais vous esquiver. Pas clair pour moi, tu sais. Changer, échanger. Je vous vois échanger. Grandir. Je vous vois grandir. Je vous vois gamberger. Et pour quelle raison tu sais, je vous ai vous voyez pendant un temps avant de te côtoie, tu crois toi avant que je te côtoie, tu. Je vous ai vu noyer là. Cachais-tu pourtant? Un changement. Alors que je sais que t'es là. La bagarre, tout le monde veut imposer son nouveau plan. Again and again and again. Thank you. Thank you. exploded. Your music related music, music blooded. Thank you, muchísimas gracias para todo, para el amor. Tienes música en la sangre. Tienes el duende. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Mm-hmm.